d'amour. Le reste est sans importance, je pense. Aimer, c'est ne plus jamais être seul enfant. Pourtant, aimer, c'est la seule façon d'exister vraiment. À la folie, je t'aime, je ne sais pas où ça m'entraîne, mais je suis bien partout si tu es là. Tes yeux m'apprennent à être heureux pour la première fois. Et chaque